La pression elle est volontaire. Dans tous les cas tu peux rien faire. Tu battes et là tu finis par terre. Et c'est là que je les beaux éclairs. La pression elle est volontaire. Dans tous les cas tu peux rien faire. Tu battes et là tu finis par terre. Et c'est là que je les beaux éclairs. La pression elle est volontaire. Dans tous les cas tu peux rien faire. Tu battes et là tu finis par terre. Et c'est là Tu guettes la gestu. Appelle-moi Jenny, que je lui fasse un poulot. Appelle-moi Ethan, que je lui fasse un poulot. Appelle-moi Chelsea, que je lui fasse un poulot. Appelle-moi Tobias, que je lui fasse un poulot. Appelle-moi Koblas, je suis là. Tu guettes de la gestion. Tout à l'heure.